Les chakras sont de véritables portes d'entrée et de sortie de l'énergie vitale nécessaire à notre évolution. Il en existe plusieurs, disposés à différents endroits de notre corps, parmi lesquels 7 sont particulièrement importants. Ces 7 chakras sont reliés les uns aux autres par la Kundalini, grâce à laquelle ces différents chakras peuvent compenser la défaillance de l'un d'entre eux, le cas échéant. Cette méditation va vous permettre de rééquilibrer et de réharmoniser vos chakras pour que vous puissiez bénéficier de leur plein potentiel et ainsi recouvrer le vôtre. Asseyez-vous confortablement en ayant les deux pieds bien posés au sol. Gardez le dos bien droit tout en restant souple et fermez les yeux pour retrouver votre espace intérieur. Commencez par focaliser votre attention sur votre souffle et laissez-le aller et venir librement en observant avec curiosité son parcours. Notez les sensations physiques que votre respiration génère. Les mouvements de votre cage thoracique, les gonflements de votre ventre, la sensation bien réelle d'être en vie et de pouvoir vous reposer sur votre souffle. Votre corps sait naturellement ce qu'il a à faire, laissez-vous simplement porter par lui. Inspirez jusqu'au bout de l'inspire. Expirez jusqu'au bout de l'expire. Je vous invite désormais à pousser votre souffle dans votre premier chakra, le chakra racine. Situé au niveau des organes génitaux, ce dernier vous permet de vous connecter aux énergies de la terre, de vous sentir stable et en harmonie avec votre environnement. Il est nécessaire pour vous ancrer dans votre réalité. Visualisez dans cette zone une belle lumière rouge provenant du plus profond de la terre. L'énergie de cette lumière rouge rayonne dans votre chakra et sentez comme elle apporte avec elle la sécurité, la stabilité et la confiance. Vous êtes relié à la terre et à votre environnement, enraciné tel un arbre, ancré dans l'instant présent, ici et maintenant. Cette énergie nourrit chacune de vos cellules. Laissez-la monter lentement le long de votre colonne vertébrale pour aller rejoindre votre deuxième chakra. Alors que l'énergie puissante atteint le chakra sacré situé sous le nombril, voyez sa lumière tourner à l'orange. Un orange lumineux qui énergise toute cette zone. En charge l'épanouissement de votre sexualité, de votre rapport au sexe opposé, de vos émotions, de la spontanéité, des actions créatives, votre chakra tourne alors à la vitesse nécessaire pour rétablir votre équilibre. Sentez les énergies liées à l'action se mettre en place. Et laissez la lumière rejoindre le troisième chakra. C'est la zone du plexus solaire qui rayonne désormais. Votre troisième chakra accueille l'énergie vitale en se transformant en une lumière jaune, chaleureuse, lumineuse, essentielle. c'est le siège de la volonté, des ambitions, des responsabilités, de l'indépendance, du libre arbitre. C'est le « je peux » qui s'active en vous grâce à cette lumière réparatrice. Vous réparez votre lien aux autres. Vous vous sentez capable. La lumière jaune brille et vous accédez un peu plus à votre potentiel. Chaque inspiration renforce cette lumière et chaque expiration la pousse un peu plus haut vers le quatrième chakra. L'énergie et sa lumière atteignent désormais le chakra du cœur. La lumière se transforme en un vert éclatant. C'est votre capacité à aimer et à être aimé qui brille avec elle. Sentez comme votre cœur s'ouvre à l'amour, à l'union, à la compassion, au pardon. Laissez-vous envahir par la couleur verte de guérison et sentez la chaleur se répandre dans toute votre poitrine. Respirez avec ces sensations et poussez la lumière avec votre souffle jusqu'au cinquième chakra. C'est alors le chakra de la gorge qui vibre avec votre respiration. La lumière se transforme en un bleu éclatant pour répondre à la couleur de ce chakra. Siège de l'expression de la pensée. Vos craintes à exprimer vos émotions, vos pensées et vos limites s'évanouissent grâce à l'énergie bleue qui rayonne dans votre gorge. La lumière vous ouvre les capacités à parler et à écouter. Écoutez les autres bien sûr, mais également votre voix intérieure. La parole juste s'installe en vous pour ne plus vous quitter. Et tout vous semble fluide et évident. Sentez votre respiration traverser votre gorge et libérer l'espace. Et votre souffle monter encore plus haut, vers le sixième chakra. C'est entre les deux yeux que votre chakra du troisième œil réside. Le bleu de l'énergie change en l'atteignant et devient indigo. Vous sentez son énergie irradier votre visage et la douceur de sa caresse. Toutes les images mentales vous paraissent bien plus précises et évidentes. La lumière indigo active votre intuition, votre imagination, votre perspicacité. Vous voyez à travers le voile de la réalité. Vous ouvrez vos capacités et vous aiguisez votre vision. Vous voyez clair et vous poussez la lumière toujours plus haut avec votre souffle pour atteindre le septième chakra. De plus en plus présent à vous-même, l'énergie retrouve le chakra couronne juste au-dessus du sommet de votre tête. Ce chakra vous permet de recevoir les énergies du ciel. La lumière passe de la couleur indigo au violet profond et vous sentez tout votre être rayonner. Le chakra tourne désormais à la vitesse qui lui convient grâce à elle et active la libération de tout ce qui vous pèse. vous ouvrez à la spiritualité et à la réalisation de soi. Vous vous sentez connecté à ce grand tout qui réunit toute forme de vie. Vous êtes. Dans cet espace et à cet instant, vous pouvez ressentir les vibrations de tous vos chakras qui tournent à l'unisson et la lumière monter et descendre le long de la Kundalini. Vous êtes entre la terre et le ciel, confiant, en sécurité. Et accueillons tout ce qui se présente à vous désormais. Ramenez votre attention sur votre souffle et laissez-vous bercer par son va-et-vient. Comme une feuille à la surface de l'eau, laissez les ondulations vous faire monter et redescendre en souplesse. Vous revenez doucement dans votre réalité, ici, dans cette pièce, en harmonie avec ces énergies qui vous animent. Quand la cloche retentira, prenez tout votre temps pour ouvrir les yeux et reprendre vos activités. Et surtout, n'oubliez pas de vous remercier pour ce précieux moment que vous vous êtes accordé. À bientôt.